Jean Perron, si vous voulez être informé au niveau du sport, écoutez 70% et vous allez tout savoir que... En tout cas... Pourquoi donc se donner à fond dans un projet quelconque? Pour s'épargner la déception, c'est plus sûr d'y aller doucement. Un tout petit peu, c'est mieux que rien. Contentons-nous-en, les copains. Ensemble, on donne notre 70%. Pour une quatrième année consécutive, 70% sera à CFME pour le FME. Écoutez-nous de 20h à 21h chaque soir du FME 2017. Peace out! Let's go, Georges! Mathieu Luna, mesdames, messieurs, à la guitare. Les lundis douteux. Chaque lundi, depuis 10 ans, au pub Brouhaha, 5860 avenue de Laurier. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux. Apporte ton sourire et tes cousines. Puis dis-leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis. Bienvenue à cette nouvelle édition du meilleur show gratuit du lundi au monde. J'ai réalisé cette semaine quelque chose duquel que je pense que c'est important pour bien commencer la... Ça s'en vient en plus. Ça va être la pinte de dernière mission que je vais boire qui va faire que maintenant, outre l'eau, la chose que j'ai le plus bu dans ma vie, c'est sûr et certain que c'est la dernière mission de Marc Bélanger et du Brouhaha. Merci beaucoup, Valérie. Ben oui, allez, applaudissez-moi, galis. Donc, c'est quelque chose que je suis très content d'avoir partagé avec vous. On a une très belle soirée. C'est le mois des gros bras qui continue à douteux.org. On a décidé d'y aller avec Lorenzo Lamas cette semaine. Par applaudissement, qui se souvient de Lorenzo Lamas? OK. Fait que d'ici au long métrage, vous avez le temps d'aller voir. Faites Google Images, par contre. Le reste, on s'en fout un petit peu. Lorenzo Lamas, c'est quand même le gros bras de ce soir dans Bad Blood. C'est un film qui est comme fait pas par John Woo, mais c'est le plus John Woo de tous les films que John Woo a pas fait. On s'en reparle plus tard. Juste avant ça, on a comme VJ le plus viral de tous mes amis, celui qui m'a permis de vivre ça cette semaine avec les amis de... Ben oui, Giz, viral de Possemier, qui est ici. On va viralement avoir sa playlist qui devrait, je pense, contenir quelques clips viraux. C'est donc à voir tantôt. On est très content qu'il soit avec nous, c'est sûr. C'est un privilège à chaque fois. Sinon, ben, on a DJ Org, qui est notre invité à 70%. Et lui, il a amené comme de ses clips à lui, personnel, hein, respect. Fait qu'on va pouvoir les écouter tantôt. Ça va être capoté. Mettre ça en image, on est toujours très content. Et d'ailleurs, si vous voulez venir faire artiste live à 70%, l'œuvre est vendue à l'encan à la fin de la soirée. Et 100% des profits vous reviennent. 100% plus 2 tickets de pinte. On a Pascal Lamoureux-Miron qui est avec nous ce soir. On est très content. On va revoir son œuvre plus tard. Elle m'a dit qu'il y avait un robot dedans. Donc, on va voir ce que ça donne. Et pour accompagner cette soirée en musique, on a l'excellent Guillaume Blais de Blais Entier. S'il vous plaît, une main d'applaudissement. Il est capoté, ce gars-là. Puis, il fume, mais il sent bon. Je sais pas comment il fait. Il est capoté, ce gars-là. Allez voir ça. Blais Entier en ligne. On est très content de l'avoir avec nous. Et pour, en fait, débuter la soirée, s'il te plaît, Bruno, je te passe la poque. Bonsoir. En manchette ce soir, Metallica, Mauvais Esprit et Mop. Et selon Wikipédia, ils sont les 7 meilleurs chroniqueurs de podcasts francophones enregistrés devant public bénévole de moins de 50 ans au nord de l'Amérique du Nord. Mathieu Boudreau, Alexandre Larocque, Arnaud Audette, Florence Payette, Coralie Laperrière, Jean-Sébastien Godette et Alexandre Sarfati, ainsi que notre artiste live Pascal Lamoureux-Miron et notre invité DJ Horgman. En direct du Brouhaha à Montréal, je me suis trompé dans mes affaires, vous êtes à 70%! C'était ça, laisse-toi aller, hein, come on, ouais. Slide nos guitares, ça. Ah non. Tune d'intro, let's go. Okay. Ah, c'est apprécié. Guillaume Blais, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. On est à 70% pour une autre édition. Très content de te revoir, Bruno. Tantôt, je suis arrivé un petit peu plus tôt, puis je suis en train de fouiller pour des affaires pour l'encan. Et check ce que j'ai trouvé. T'as trouvé Mon Vaillant Primate 2? Non, ben oui, mais c'est MVP 2. Ouais. Merveille verticale chez les primates. Parce que dans celui-là, le singe fait du skateboard! Golis! C'est vraiment un de mes meilleurs films. C'est le temple perdu de la trilogie de MVP. Je vous souhaite ça 100 000 à l'heure. J'aime beaucoup la scène parce qu'il y a de la musique punk qui joue, là. Oui. C'est la toune, Punk Song numéro 2. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, ouais. Tu sais, ils ont fait ça avant le SGI, donc c'était vraiment un singe. Oh oui, c'est le vrai singe. D'ailleurs, dans le 3, ça se termine de la meilleure des façons, parce qu'il retourne jouer au hockey dans le 3, et il est écrit nulle part dans le livre des règlements qu'un singe peut pas jouer au hockey. Fait qu'avec ça, et l'amitié avec son... C'est drôle que personne ne mette dans le livre des règlements après, ça. Ben moi, je pense qu'il devrait avoir un addendum, tu sais. Tout ce qui n'est pas humain. Ah ben non, c'est humanoïde. En tout cas, puis en même temps, tu veux pas être raciste non plus, tu sais. Ben je veux dire, espéciste, ouais, d'abord. Okay, c'est, bon. Okay. C'est compliqué, hein, ces affaires-là. Ouais, ouais, je voulais de mal à personne et je t'aime, maman. Donc, bienvenue à 70%. Vous avez peut-être reconnu notre invité, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, Félix Org. Salut. Là, c'est sûr que tu parles à une bande d'archiveurs et tout. Il y en a des fans dans le fond, ils veulent m'entendre parler. Parle-nous, d'ailleurs, on a Giz qui a déjà été sur un plateau de Virginie, toi, je pense. Hein? Pour payer le loyer. Et voilà, donc, on a un ancien... J'ai déjà fait de la figuration en Virginie. Moi. Et voilà, oh, ouais! Pour payer le loyer, ouais. On prend ce qui passe. Mais surtout... On a des fans de payer le loyer dans la salle. L'activité commune. Moi, j'ai lu ta bio, puis il y avait post-prod dans Les Aventuriers du Temple Perdu. Ouais, c'est moi qui faisais la voix de Tommy Tricker en français. Ah, c'est un privilège, ça veut dire que t'es Tommy Tricker? En français. Ben, oui. Okay. Avec ma voix de 12 ans, là, j'ai plus la voix de Tommy Tricker. Ben non, c'est à cause de quoi? Ouais, c'est des hormones, man. C'est à cause de toi. Ouais, peut-être payer le loyer. Sinon, t'es comme rendu DJ à cette heure. Ouais, ben en fait, ça fait plutôt un peu plus que 20 ans maintenant. J'ai commencé DJ dans les clubs à faire danser le monde. Après ça, j'ai commencé à faire des beats, à enregistrer des artistes, réaliser des albums. Puis maintenant, ben, je mixe très peu dans les soirées, puis je suis comme rendu vieux. Là, ça me tente plus de me coucher à 3h du matin. Mais je suis encore dans la musique, je fais aussi un petit peu de musique de télévision, puis j'ai un podcast, moi aussi, le lundi soir. Ben, Colin! Sur le corner, en direct, mes chums sont là. On les salue, les... Ben oui, ben oui. C'est de 7h à 9h, donc on se pile pas trop ses pieds. Nous, c'est Culture Urbaine, on fait ça au Groove Nation, puis bientôt, peut-être, éventuellement, à la vraie radio. Thématique genre rap, plus... Oui, mais tu sais, on a déjà reçu, mettons, Bob Binette, on a reçu... Donc Serge, donc on reçoit un peu, c'est pas juste limité dans le rap, mais c'est sûr que ça tourne autour, un peu comme t'es vous. T'es pas en train de dire que Ghislain Tachereau est pas capable de rapper. Ben oui, probablement capable, mais c'est pas ça qu'on a fait faire, on a jasé de tout et de rien. C'est un peu comme, tu sais, vous êtes issus de la culture, on va dire, douteuse, mais vos on est tellement curieux, c'est ça, même en faire que t'es-tu chatouilleux? Non, pas tant que ça. Pas tant que ça? Ben non. Pourquoi tu te laisses pas faire si t'es pas chatouilleux? Comme un petit malaise douteux ici. Et puis sinon, là, ça veut dire que t'as déjà travaillé dans le Larouche-Verse. C'est quoi Larouche-Verse? Fabienne Larouche. Ben ouais, Virginie, j'ai fait une figuration, c'est pas... Ça, c'est... Parle-moi-en, c'est-tu mystérieux? Est-ce qu'il faut que tu signes quelque chose avec ton sang? Est-ce que... Écoute, pour la figuration, ils ne te demandent pas grand-chose. En fait, ils disent quel linge amener. Mais ça, c'est parce que j'ai déjà été acteur. Puis entre ne plus être acteur puis faire la musique, il y a comme une espèce de... Entre traditionner vers vendre des chars, mais toi, t'as pris la sortie DJ. Genre. Ouais, puis aussi avec la figuration avec Virginie et d'autres affaires, des pubs de la Balle Bleue des années 90, puis... Bon, comme on parlait, faut payer le loyer. C'est une chose que j'aime le plus au monde, moi, les pubs de bière. Ben, tu sais, les pubs joke là, qui disaient on est monté au chalet, puis ils faisaient des petits bambous. Moi, je faisais celle sur le snowboard. Arrête donc, ouais, toi, ouais, comme le singe. Ben oui, pas dans mais, celle-là, dans celui-là. Mais je faisais même pas du snowboard. Ouais, imagine, ils m'ont choisi. C'est dans le 3 qu'il fait du snowboard. Ah, okay. Mais comme le singe, j'avais un cascadeur parce qu'en fait, j'avais jamais fait de snowboard de ma vie. Puis dans l'annonce, quand il y a un gars en snowboard, c'est une doubleur. Moi, je faisais comme le Goku qui tient la bière puis que. Qui participait à tous les petits jeux. Tu l'as-tu encore, ça? Serais-tu encore capable de tenir la bière et d'être cool? Ah, je sais pas. C'est une pince. C'est non, moi. C'est pas pire? Non, t'as pas. Ça marche-tu? Je l'ai-tu encore? T'as pas le droit de boire de la bière, c'est une annonce de bière. Mais en fait, c'est pas de la vraie bière, fait que tu peux le boire pareil. Ah, ici, c'est une très bonne bière, ça, d'ailleurs. C'est la blanche de la place. Ben oui, le brouhaha, quand même. C'est la maison du douteux depuis 1983, en fait. Whatever. Sinon, c'est sûr qu'il faut passer par là, Félix. Pourquoi DJ Org, je pense à ça? Ben, en fait, ça vient du temps que je faisais des graffitis. Avant d'être DJ, j'ai comme ce qui m'a ouvert la porte du hip-hop, c'était les graffitis. Puis dans ce temps-là, écoute, début des années 90, il y avait pas tout ce que... On n'avait pas tant d'influence que ça. Puis je voulais me démarquer. Org, je trouvais que c'était comme... Tout le monde prenait les mêmes lettres, tout le monde avait les mêmes noms. Org, j'étais sûr que nulle part ailleurs sur la planète, personne n'allait prendre ça. Puis en fait, j'ai jamais pensé qu'en choisissant ça, ça me suivrait toute ma vie. Mais ça prouve aussi qu'un nom, c'est accessoire, en fait. Ça représente ce que c'est, puis... Ouais. Surtout que là, si t'étais le seul à l'avoir, t'avais le contrôle sur le branding. Ouais, mais j'ai appris avec Internet qu'une région, je pense que c'est une province ou une communauté de Norvège qui s'appelle Org. Fair enough. Ça me surprendrait pas. Il doit y avoir un tréma quelque part là-dedans. Ouais, il y a un haut tréma. Mais tu sais, finalement, t'sais, c'est correct. Je peux vivre avec ça. J'ai un projet de musique avec un gars, puis se trouve un nom en 2017 de groupe, là, c'est pas facile. Ouais, non, je comprends. Il y en a tout partout. Je veux dire, si quelqu'un check sur Google, puis trompe entre le gars qui fait de la musique de Montréal puis la région de Norvège. Ouais, il y en a fumé du bon, là. C'est ça, ça devrait bien se finir à un moment donné. Sinon, c'est sûr que tu joues à Magic. C'est quoi tes couleurs préférées? J'ai joué à Magic, genre, okay, en 92. Okay, okay. Ben oui, c'est sûr. Je pense t'as-tu j'ai encore des cartes? T'as-tu encore tes cartes? Quelque part. Mais là, je peux pas te garantir où, mais genre, j'ai ça quelque part. Là. Est-ce que tu peux dire à l'écran, je te donne mes cartes, Tommy? Yo, si je les trouve, c'est sûr, je te les donne. Là. Puis j'en avais des pas pires. Tu sais, j'avais des decks de base, puis tu sais, c'est dans le temps que tu peux aller acheter des cartes à genre 4-5 piastres parce que tu battais tous tes chums. J'en avais genre 2-3 comme ça. Là. T'es capoté. Toi. Mais de 92, là, fait que probablement qu'il y a comme... Je sais pas. Ouais, t'as peut-être t'as quoi t'acheter un chalet aussi, puis tu le sais même ouais, pas. Ouais, mais là. J'ai déjà le chalet, fait que je suis pas super. J'en ai pas besoin de mes cartes de match. Mais en fait, les cartes sont là-bas. Excusez, mais les cartes sont là-bas, tu sais, dans une boîte. T'as-tu comme encore des redevances de Tommy Tracker en français? Ça arrive-tu, ça? Non, pas tant que ça. Pour de vrai, tout ce qui était domaine de la télé, ça fait longtemps que j'ai pas vu une scène de ça. Je pense que le dernier chèque que j'ai reçu de ce temps-là, c'est avant les années 2000. Maintenant, je tire les... tu sais, je réussis à vivre de la musique sans être riche. Je travaille fort. Je suis comme un peu workaholic, en fait. Pour moi, faire de la musique, c'est... T'aimes ça, là. Ouais, tu sais, genre... Tu dis que tu vas plus faire les soirées jusqu'à 3 heures le matin, mais ça veut pas dire que tu mets moins de temps là-dedans. Mais pour moi, maintenant, c'est le studio beaucoup plus que du live. Puis quand je fais du live, je vais suivre des artistes. Mettons, je travaille beaucoup avec Samian, fait que je le suis en spectacle. Ben ça, c'est mon côté social de ma job. À nos dagés aussi. Ouais, mais je travaille... J'ai fait du judo avec lui, moi. Ah ouais, tu pourrais le dire. Puis était-tu bon? Ouais, il est quand même sportif, là, il est quand même. Mais il rappe plus, en fait, à nos dagés. Meilleur que moi, là. À date. Parce que là, ça prépare un comeback dans 15 ans, là. Tu sais comme moi comment ça marche. Yeah. Ah ouais, comme toi dans Virginie, là, dans 15 ans. C'est vrai qu'ils m'écrivent un rôle. Ouais, c'est ça. Sinon, ben, merci beaucoup d'être avec nous. Ah oui, ça c'est vrai, on a besoin d'un indicatif. Je dis quoi, vous ben, tu dis bonjour. Dis ton nom, puis 70%. C'est ça, puis tu peux mettre le contexte que tu veux. Ça, là. J'aime ça, un sandwich. Hey yo, c'est DJ Org, vous écoutez Raka Raka Rack, 70%, yo. On a eu aucune insulte cette fois-ci. Merci, Félix. It's all good. À partir de maintenant, il y a des chroniqueurs qui passent. T'as un micro. Laisse-toi aller. On est content de t'entendre. Et puis là, on va aller faire quelque chose que j'adore dans la vie. On va écouter Guillaume Blais. Yeah. Thank you. Stephen Hogan est entré dans un dépanneur de la chaîne 101 à Glasgow, en Écosse, armé d'un couteau afin de voler l'argent de la caisse. La caissière, afin de chasser de derrière le comptoir, a utilisé une mop, afin de le battre, et il s'est enfui avec 37 livres de la caisse. Le lendemain, il est allé visiter un autre dépanneur de la chaîne afin d'y voler deux bouteilles d'alcool. Lorsque l'assistant gérant l'a aperçu, il s'est armé d'une mop et s'est mis à frapper l'homme. Hogan a été condamné à 5 ans de prison. Il s'est fait repousser deux fois par une mop. Il y a comme moins deux sur les mops. Là, c'est capoté, ça. Voler des dépanneurs aussi. Là. Non, mais ouais. La mop, c'est une arme. Là. Vous ne souvenez pas dans Un prince à New York? La fameuse scène. Toxic Avenger. Dans UHF. Toxic le ravageur. Toxic le ravageur, oui. Une mop. Ouais. Sa mop était produit chimiquisé, là, à lui. Là. Dans Toxic Avenger? Ouais, il mettait dans la face à quelqu'un, il faisait ça de même, ça le rendait maquillé. Elle était radioactive. Ouais, c'est ça. Let's go. Ouais. On s'en va en Inde maintenant. Jusqu'à récemment, les gens qui prenaient un verre ne devaient pas prendre leur voiture sous risque de sanctions. Les gens devaient, en général, demander à un ami non intoxiqué de les ramener chez eux ou prendre un taxi, un peu comme ici, finalement. Hein. Mais la loi a changé. Non, il n'est pas permis de conduire sous en Inde, bien au contraire. Il est plutôt interdit maintenant de conduire avec des passagers sous. Cette nouvelle loi s'applique aux chauffeurs de taxi comme à l'homme de la rue et prévoit des sanctions équivalentes à celles appliquées pour quelqu'un qui conduit sous. Quoique le gouvernement ait déjà adopté la nouvelle loi, sa mise en application reste nébuleuse, mais on informe les conducteurs qu'ils devront eux-mêmes déterminer si quelqu'un est intoxiqué avant de les laisser entrer dans leur voiture. Moi, ce que je me demande, c'est le... Je vais prendre mon char, tant qu'à faire. Ben, ça peut pas bien finir. C'est pour aider les bars de quartier, c'est quoi? Non, c'est pas... je sais pas. Ça l'aide personne. Check, j'ai quelque chose ici. Moi, c'est... Jack est de retour et devient une merveille verticale. Les créateurs de Toby, le joueur étoile, ça c'est le chien qui fait du sport, nous offrent le retour du chimpanzé le plus loufoque à avoir échangé ses patins de hockey. Ça sera pas long. Contre une planche à roulettes. Vous avez bien lu? Ouais. Jack retourne dans le feu de l'action pour prouver qu'il est une merveille verticale. L'histoire reprend lorsque Jack est victime d'un coup monté. Il est forcé non! De... Oh oui, ça brasse en crise. Il est forcé de fuir dans une ville étrangère, loin de ses amis. Oh. Il se lie d'amitié. Ben oui, il se lie d'amitié avec Ben, un jeune garçon timide, amateur de planches à roulettes et de graffiti. Ben oui, et se découvre un talent inné pour effectuer des figures impressionnantes sur quatre roues. C'est incroyable, on l'adore ce film-là. C'est vraiment, vraiment bon, là. Je l'ai échappé. Là. Let's go, Bruno, continue. Oui, le 21 août prochain aura lieu une éclipse solaire, pour ceux qui n'étaient pas au courant. Le soleil va faire son show. Pour l'occasion, le Texas Parrot Museum of Nature organise un événement d'observation qui a déjà attiré plus de 11 000 confirmations. Mais une personne en particulier n'est pas contente de la tournure des événements. En effet, une mère inquiète que ses enfants ne puissent pas assister à l'événement céleste parce qu'ils seront de retour à l'école ce jour-là a demandé aux organisateurs s'ils pouvaient tenir l'événement pendant le week-end à la place. Une pétition a été lancée, j'imagine. Merci Bruno. On va te revoir dans l'émission. Ça donnait des fortes. On a eu un dépanneur en plus. Tu sais comment me prendre, toi. Toi, ça va à date? Tout va bien. Dis à Guillaume qu'on va au prochain chroniqueur. Parle-y, parlez-vous. Guillaume, on s'en va au prochain chroniqueur. Check ça. Oh yeah! Hey, c'était solide. Ça. Salut Arnaud! Comment ça va? Moi, c'est ça. Ah, moi, là, j'ai commencé un petit burn-out là, la semaine dernière. Donc, je reste chez moi, je fais dodo, je vais sur Internet. Puis là, j'ai redécouvert en fait un amour pour les beaux petits gifs animés de femmes à moitié tout nues avec des loups et des glitters partout. Donc, Skyrock. Ok, ouais, c'est bon, ouais, ouais, c'est bon, ouais. J'ai fait une chose que j'ai jamais faite sur Skyrock. J'ai checké les commentaires sur les beaux petits gifs animés. Oh shit, dude. La porte est ouverte, là, pis t'es pas en Google Translate en plus. J'ai trouvé la source du bonheur. Ouais. Donc, Mon burn-out est presque vas-y, parti. Vas-y, tuons ton burn-out, tout le monde ensemble. OK. Est-ce que tout le monde est prêt? On peut cueillir de la musique, là. Je pense que j'avais un petit cue de musique. Ah ouais, hein? Non, non, non, c'est... Oui. Donc, le premier commentaire sur une belle photo d'un feu d'artifice, et c'est écrit entre parenthèses L minuscule, bisous à vous tous, L entre parenthèses minuscule. Donc je sais pas ce que ça veut dire, L entre parenthèses. Je pense que ça veut dire love. Ah, moi je pensais que c'était un vagin. C'est ça, moi aussi. Ouais. L minuscule entre parenthèses. Vagin, bisous à vous tous, vagin. Moi, c'est ça que je vois, en tout cas. On commence avec le premier commentaire de Eldorado86. Bonjour. C'est avec un grand plaisir que je passe sur ton bel univers pour te souhaiter une bonne journée. Oh! Kiss, Jocelyn. Merci, Jocelyn. On continue avec Suzy524. On l'aime beaucoup, Suzy524. Elle revient souvent en tabarnak. Bonjour, c'est sur le sentier de l'amitié que je t'ai rencontré. Depuis, je viens m'y promener pour venir y déposer toute ma tendresse à ton égard. Laisse-moi pour aujourd'hui te souhaiter une bonne et très agréable journée. Ton ami. On continue maintenant avec... Ça va m'avoir, ça! C'est plat! On continue... Je peux écracher ma gomme, asti. Come on. Continue avec Magnum 80080. Bon, il y a plein de notes de musique. Vendredi 7 juin 2013. Ce matin, 15 degrés à Amiens avec du soleil. Boum, boum, badaboum. J'arrive. Mon canari! Pour te siffler une bonne journée! Une bonne santé! Que du bonheur! Bisous! Bisous de nanar! Ah. Ça, on c'est tous des commentaires de l'image. Sur vagin, l'image, bisous, oui. Vagin. C'est une source infinie de bonheur. OK. On continue avec Roberto. J'espère que t'as reçu mon SMS. J'ai pas eu de retour, lol. Bisous et encore bonne année. Je sais pas, il l'a texté puis il a pas eu de réponse. Fait qu'il est allé sur fait son, ça, ça... il est allé commenter sur la photo du. Ils se sont rencontrés. Je sais pas. Vagin, bisous, vagin. Je sais pas, c'est peut-être autre chose, un smus. Tarzan 599. Bonne nuit. Bonne nuit. On avait vraiment beaucoup d'autres Tarzan. Bonne nuit et bon week-end. Biz. Peut-être qu'il lui souhaite un week-end bizarre. Jacquette 2. Une très bonne nuit. Gros bisous. On continue maintenant avec Eldorado. Ça me détend, là. Ah, on a un poème. Bonjour, mon petit tour. Dans ton bel univers, pour te souhaiter une belle journée. Gros bisous, Jocelyn. Encore Jocelyn, en fait. Ah, oh, Suzy 524 est revenue, tout le monde! Ouais! Elle a envoyé un beau cœur en ASCII tout croche. Bonjour, je passe pour te souhaiter un bon dimanche. Bisous, bise. Ah, Tarzan est revenu, tout le monde. Yeah! Bon dimanche et bon après-midi, biz! Il a écrit pendant toute ma jusqu'à, excusez, j'ai crié. Hein? Il sent. Ouais, il s'est attaqué, là, ignoré. Ça clash avec la musique. Bon, Tarzan. Mais vous en faites pas, Suzy 524 est revenu. Yeah! Un autre beau poème. Une journée terminée, la nuit qui s'installe, les étoiles qui s'allument et la lune veille. Qu'elle illumine tes songes. De douceur et de magie. Passe une douce nuit. Doux rêves. Bisous. Ah, Eldorado 86 qui est revenu encore. Ça, c'est après Jocelyn. C'est tout sur la même photo, hein? Bonjour! Avec ma plus tendre amitié, je passe à pas de velours, avec des mots de tous les jours, un passage parmi ton univers, afin d'y déposer un commentaire. Petite pensée, petit message, en survolant tes magnifiques pages. Je laisse par mon envolée une douce poussière étoilée. Bisous, Jocelyn. Oh, attends. On arrive au bout, mais moi, j'ai... Ça va être dur à battre, ça. J'en ai laissé un, moi aussi. Bonjour. Je suis passé sur ta page. Je ne connais pas ton âge. Mais je voulais simplement commenter pour dire à Suzy 524 de se la fermer. Trouve une autre photo pour laisser tes poèmes. C'est chez moi ici, Chris. Chippy. Merci ça, tout le monde. C'est le burn-out qui revenait. Merci Arnaud. Merci beaucoup Arnaud. Faut s'inquiéter, hein. Ça te tente-tu d'aller jouer à quelque chose, Arnaud? On va jouer à Mario Kart, tu vois. Ça... Comment ça se passe, toi, là? Ah, c'est le fun. Vos chroniqueurs sont diversifiés. À date, il y en a eu un. Ouais, mais je suis venu les autres fois. Ouais, ouais. Il n'y a pas c'est un qui s'en un homme blanc 6 à part de ça, mon gars. Ouais, c'est vrai. On en manque de ça. Je pense qu'il n'aime même pas ça, le rap. Lui, il est plus métal. C'est ça, hein, Arnaud? Ouais, ta gueule. OK, on passe au prochain. Let's go, Guillaume. Y a-tu qui aimait ça? Il est bon, hein? Il est bon. Colin. Ça me réjouit de dans mon cœur. Aujourd'hui, je viens vous parler de film. C'est surprise. Je vais vous parler d'un film d'horreur, fait que en complète contradiction avec ma petite musique d'intro. Puis c'est ça, là, j'avais comme le craving d'un film d'horreur, fait que je suis allée voir comme le prequel du prequel de Conjuring, genre. Fait que c'est ça. Ouais. C'est le prequel du prequel. Oui, c'est le prequel du prequel. Donc, je vais faire un petit résumé. Attention, il y aura des spoils. Une famille heureuse dont le père s'est mis au défi de se gosser les poupées les plus épeurantes du monde est frappée par le malheur quand leur enfant unique se fait écrapou par le seul char qui passe dans ce bout-là à tous les 12 ans. 12 ans plus tard... Un truckload de fillettes orphelines emménage dans la maison du couple où ce qu'il y a peut-être des affaires méchantes qui se heurtent les petits orteils sur les coins de mur pendant la nuit. Les fillettes devront user de leur imagination et de leur non-peur afin de vaincre une poupélette et un démon qui aime ça facile. Mais leurs ennemis sont puissants et ils ont de longs bras. Alors voici notre équipe. Il y a Janice, Charlotte la nonne, le gentil père, son épouse, la jolie bitch et leurs amis sur l'île de Annabelle. Alors, voici ce que j'ai appris en regardant ce majestueux film. En 1931, les poupées creepy étaient comme les fidget spinners de notre époque. La sécurité routière de 1931 impliquait pas de regarder les deux bords de la rue avant de traverser. On a fait un petit bout depuis ce temps-là. Et ce qui m'amène à penser que nos grands-parents aimaient vraiment pas la sécurité. Les planchers des maisons creepy sonnent comme le buzzer du jeu Skater Gories, puis tu sais jamais quand ça va te faire faire un moment chat. Lorsque tu sais qu'une enfant handicapable va venir chez vous, il est de bon ton d'installer une chaise automatique pour monter et descendre les escaliers. Et il est aussi important que ça soit mis sur le setting « slow as fuck ». C'est important pour le démon aussi, à remarquer. Il n'y a rien de plus attendrissant que des rires d'enfants, sauf lorsque tu es toute seule à la maison et qu'il est 3 heures du matin et que le seul enfant qu'il y a eu dans la pièce est mort v'là 12 ans. Si tu trouves qu'une poupée est trop laite, comme une date dans la vraie vie. Mettre un drap blanc ou même un sac de papier brun sur sa tête est une option très valable. Une poupée Butterface, genre. Ah, oh, clairement. Tu l'as pas vu, hein? Fun fact. Selon nos sources, le kink numéro 1 des démons en 1955 était... Oui, de vomir du goudron dans la gueule des gens. Ah. On fait pas de kink shaming ici. Après la ligne, on va se voir en enfer. Le fameux « Je veux ton âme » est le deuxième pick-up line le plus populaire sur le Tinder des démons. Ça fait que déjà là, avec « Je veux ton âme », tous les roues sont exclus. Ben là, on est immunisé aux démons, c'est bien correct, ça? Ouais, c'est fou. Ben oui, c'est je peux plus, être plus 4 contre les démons, j'ai rien plus contre 4, épée mortale, machin, tout ce que tu veux. D'ailleurs, sur leur profil, c'est écrit que les démons marchent en faisant des scrunchs. C'est important à savoir. Le monsieur qui t'accueille est retrouvé mort par terre, puis il a l'air d'avoir souffert, d'avoir eu peur et de ne plus avoir d'âme. Ça doit être le vent, là. Il est assez tard, va te coucher, bonsoir. Les sœurs aiment ça, mettre des enfants en chaise roulante sur le top d'une côte, tu sais, juste pour la gravité puis le lolz. Les démons qui se réfugient dans les garages, dans les granges, aiment vraiment beaucoup Jean-Marc Parent et l'émission Flash tes lumières avant que ça devienne populaire. Soit ça ou Jean-Marc Parent est un démon, j'hésite encore. Ah. À chaque fois qu'une porte se ferme pour annoncer la présence d'un fantôme, les producteurs de films reçoivent le prix de l'effet épeurant le plus innovateur, c'est clair. Morale. Dites juste pas « oui » à un enfant mort lorsqu'il vous demande s'il peut habiter dans la poupée-lettre que vous avez chez vous. Ah! Nœud du problème, ici! Nœud du problème! Ben oui! Bref, les acteurs sont bons, les éléments creepy fonctionnent, sont creepy. L'histoire, tu sais, on a des personnages niaiseux dans un film d'horreur, mais c'est excusable parce que c'est en 1931, puis on peut dire qu'ils ont jamais vu de fantôme dans leur vie. C'est correct. Puis le monde était niaiseux dans ce temps-là. Puis, ils regardaient pas des deux bords avant de traverser la rue, fait que je doute de leur capacité cognitive. Et les personnages sont niaiseux des fois, c'est normal, mais ultimement, ça m'a fait peur, puis j'ai presque pas dormi. Fait que ça vaudrait la peine d'investir dans ce film-là. Annabelle 2, de double prequel. Ouais, double prequel. Merci beaucoup, Florence. Florence Payette, mesdames, messieurs. On était rendu pris, hein? Toi, t'as travaillé là-dedans, pis tout, es-tu cinéphile un petit peu? Ouais, ben ouais, j'aime les films, mais les films d'horreur, plus ou moins, mais les séries B, ah les ouais, films pourquoi? D'horreur... T'as peur? Non, pas tant, mais... T'as pas peur? On dirait que c'est le même film depuis 20 ans, tu sais. Moi, je suis un gars d'histoire. Oh, oh ouais. Les effets spéciaux, c'était le fun quand c'était du vrai, depuis que c'est rendu des affaires à l'ordinateur. T'essaieras It Follows de 2014-2015. Ça, c'est une affaire de zombie? Non, t'essaieras ça. Anyway, on est très content de t'avoir avec nous, et à ce moment-ci de la soirée, je pense que... On va laisser notre musicien de blindé nous faire une petite pause musicale. Ça va avec toi, Guillaume? J'ai entendu dire que t'avais un show le 28 aussi. 25 août, qui est des brumes. On te crisse ça dans les dents, full band. Parce que Blais entier, c'est des amis aussi. Ben, mesdames et messieurs, on écoute Guillaume Blais. À chaque fois, c'est un privilège. Bon, ben que je t'en fais une qui parle de job, tu sais. Tu sais que t'as envie de dire ça à un boss que t'endures au lieu d'aller l'enterrer, là. Fait que ça va de même. Depuis le temps que je t'haïs, je suis enfin libre à compter d'aujourd'hui. Voici venir le moment de délivrance. Tu peux prendre ta job pis te la rentrer où je pense. Au lieu d'aller à Quincaillerie, j'ai fait un détour au pawn shop. Ils m'ont fait un bon prix pour tes outils pis ton pick-up. J'ai gardé tes vieilles bottes direction l'horizon. Si tu t'enlèves pas de porte, tu vas voir le démon. Moi et tout, moi t'en donner de l'expérience. Tu peux prendre ta job pis te la rentrer où je passe. Pas rester longtemps en maison à regarder rentrer des factures. Que goutte à goutte ma vie devienne une longue torture. Y'aura toujours des gens aimables qui me payent des belles pinottes. Déclarées ou en dessous de la table, sans trop que je baisse mes culottes. Sinon, mon gars, tu peux me faire confiance. Pis prendre ta job pis te la rentrer où je passe. roulée bien serrée dans du papier sablé, avec un soupçon de sauce piquante. Avec ton verre solitaire, ton seul ami sur terre, allant gaiement vers des lendemains qui chantent. Entrevue, le gars me reconnaît, le regard rempli d'opprobre. Me demande que c'est que je fais dans son bureau. Hey, t'es un job. Ben aujourd'hui, faire ce qu'on aime, ça relève du blasphème. Fait que je fais des compromis, sauf servir mon pays, même sans aucun moyen de subsistance. Tu peux prendre ta job pis te la rentrer où je pose. Là, je vous entends penser, mais ma voix pitié moi. Ce gars-là travaillera plus jamais de sa vie. Il va finir bohème, gribouillera ses poèmes. Ben si ça se passe comme ça, j'aurai réussi. Et pour qu'il n'y ait pas de perte de jouissance, tu peux prendre ta job et te la rentrer où je passe. Rouler bien serré dans du papier sablé, avec un soupçon de sauce piquante. Avec ton verre solitaire, ton seul ami sur terre, allant gaiement vers des longues mains qui chantent. Ah, sublime. Guillaume Blais, mesdames, messieurs. Et là-dessus, on vient d'être rejoint par Laurent Lassalle, qui apporte avec lui son lot de viralité. Si vous vous sentez viralement impliqué un petit peu plus, c'est grâce aux gars de Le Jeu, c'est sérieux, qui sont les comparses de Gaboum Film. Mais sinon, on va aller voir notre artiste de résidence. Pascal, comment ça se passe? Mets-le dans ta bouche. Ouais, salut, ça va bien. Oui, c'est quoi que tu es en train de nous faire? Je suis en train de faire une télé, dans le fond, avec un background qui explose. C'est un peu genre la personnalisation de la mort de la télévision. Si elle, elle pourrait se survivre, dans le fond, elle aurait plein de remotes, puis elle changerait. Tout le temps. Je suis juste en dessous du... Okay. Colle le micro sur ta bouche. OK, c'est bon. Donc, tu es en train de nous faire une TV avec des explosions, c'est ça? C'est ça, puis des remotes. Les explosions sont dans la TV, par contre, Pascal? Ah, ben là, c'est pas grave. Tant mieux. Ça va être vendu à l'enquête tantôt. Sinon, toi, c'est Sucrose Collective, si on veut te suivre visuellement. Exactement, sur Facebook. Puis sinon, sur Instagram, c'est Mystery avec deux M. Et voilà. Est-ce que tu fais les mariages? Pourquoi elle dit que oui, elle dit que oui, elle a un prix. Et voilà. Merci beaucoup, Pascal Lamoureux Miron, s'il vous plaît. Ce qui va nous ramener à retourner vers les chroniqueurs. Il faut ce qu'il faut, hein. On lui donne une tribune, puis il l'exige. Je pense que tantôt, c'est moi qui avais été offbeat, hein. Je m'excuse, Guillaume. T'as gaulé comme un chef encore une fois. Hein? C'est ça. On passe au prochain. Merci, Guillaume. Ça va. Et toi, Coralie, ça va? Oui, ça va. Je suis contente que t'aies attendu. Comme tu sais, l'automne est à nos portes, fait que je pensais faire une chronique sur comment réutiliser des feuilles mortes en tapis d'entrée. J'aime ça. Toi, t'es très... ouais, j'aime ça. C'est bon. Ouais. Je pense que c'est même pas la première chronique sur l'automne que tu nous fais. Non, j'avais fait une sur le printemps. Là, dans la fois. Voilà. J'ai mystifié le printemps pour tout le monde. Chaque équinoxe, sa chronique. Exact. Sauf que finalement, en fin de semaine, ça a brassé un peu aux États-Unis. Oui. Fait que je me suis dit qu'avec mes tapis, j'aurais eu l'air de Richard Martineau en bobette dans un tournoi de squash à pointe calumet. Vraiment fucking pas rapport. C'était fou, ça. Il y avait un serpent de torche. Oui, ben c'est vraiment c'est ça que je veux parler de tout ce qui est arrivé. C'est un peu fucked up. Ben, pour ceux qui n'étaient pas au courant, vendredi en Virginie, il y a eu des groupes néo-nazis qui ont manifesté pour la sauvegarde d'une statue générale sudiste favorable à l'esclavage. Déjà là, c'est bien normal. Because reasons. Oui, c'est ça, tu sais. Ouais. Comme... C'est pour... notre passé. Faut pas qu'on oublie qu'on a été des crises de chiens sales. Ben non, jamais. C'est ça. Écoute, c'est ça qui fait les États-Unis. Mais puis ça, évidemment, ben ils sont arrivés là-bas avec leurs habits de circonstance, c'est-à-dire leur tatou de nazi pour leur rappeler qu'ils sont des nazis. Donc, comme, oh oui, c'est vrai, je suis nazi. Leurs cheveux léchés sur le côté, des petits polos, puis des fucking torches. Des torches, ça, c'est il y avait mort. Des torches, vous avez bien compris? Des torches, je l'étudie, des fucking torches, OK? Puis, comme dans les Simpsons. Oui, c'est ça, mais comme dans le temps, mais j'étais comme, c'est pour faire peur à qui? Les antifascistes ou les sorcières de Salem? Ou sinon de très, très gros moustiques, mais dans ce cas-là, il existe des push-push pour ça, tu sais. Bref, quand le soleil s'est levé le lendemain, le samedi, ils ont rangé leurs toches puis ils ont sorti leurs guns pour manifester encore calmement pour la suprématie blanche dans les rues de Charlottesville. Tu sais, quand t'as un message à passer, tu fais clair, tu sais. Fait que c'est d'ailleurs la manifestation de samedi, on a vraiment remarqué que les nazis ne sont crissement plus habillés chez Hugo Boss. C'est plus le cas. C'est plus jeans dépôt, je pense. Mais il appelait pas ça pour la suprématie blanche, je peux pas croire. Ben, kind of. Il s'était caché dans d'autres mots, là. Ouais, genre. Pour la protection de la statuage d'un. La droite alternative, que ça s'appelle, à OK. C'est quoi qu'il y a d'alternatif? Eux autres, ils voient la couleur en tabarnak. C'est ça, exactement. Ouais, à place de dire qu'ils la voient pas, mais qu'ils la voient, eux autres, ils disent, tu sais. Mais tu sais, comme dans toutes les bonnes manifs fascistes, c'est comme, ils sont contre les antifas, ils sont comme, on n'aime pas les noirs, on vous aime pas, puis ils se pitchent des affaires, tu sais. Puis bref, marié que tout le monde était armé, il y a un néo-nazi qui a foncé dans la foule puis qui a tué une femme, parce que, hein, pour un gars d'extrême droite, pourquoi gaspiller des balles quand on peut polluer? Hey, je lance un fret. Wow! Bref, j'ai réfléchi. Ah, oh, faudrait que t'ailles à côté aux funérailles de ce gars-là. Il est encore chaud. Et vous riez tous ah avec non, moi. C'est une madame, désolé. C'est une madame. Ouais, bref, ouais. Ces événements-là m'ont fait réfléchir parce que, tu sais, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait avec ces nazis-là? T'sais? Les goulags, c'est une très bonne idée, mais c'est illégal. L'information intelligente, ça les rend violents. La violence, ça les rend violents. Fait que je me suis dit que l'humour, c'est notre meilleure arme contre eux. Officiel. Ouais, fait que je vous ai préparé le petit guide du trollage contre les néo-nazis. Pour bien les troller, merci. Je suis très d'accord avec aussi des pointés du doigt et de rire, je pense, ça me semble. Ben oui, parce qu'on va tous croiser un raciste bientôt, parce qu'on dirait que plus il y a des migrants, plus il y a des racistes à croire que c'est ça qui amorte dans leur valise. Des racistes, en tout cas. Bref, mon petit kid... Non, elle était bonne, elle était bonne. Tu peux la compter ailleurs. Merci pour ton approbation, Tommy. Bref, mon petit guide, ça va comme si. Donc, si jamais... les nazis n'aiment pas que tu les traites de nazis, mais ils aiment encore moins quand tu les traites de nasiatiques. Là, tu fais que... Oh, genre... Ah ouais? Fait que t'es un nazi, fait que tu viens pas d'ici. Puis il est comme, non, si je viens d'ici, ça veut dire que t'es un asiatique. C'est ça, t'es bon en maths, puis tu peux pas te battre contre moi. Tu peux pas te battre contre moi, t'es pas de taille. T'en as-tu d'autres bons jeux de mots comme ça? Non, s'il vous plaît, arrêtez. Si c'était un asiatique qui conduisait le char, là, il aurait tué plus de monde. Question d'alléger ma chronique. Sinon, quand ils font leur salut nazi, ben on peut aller se percher sur leurs bras comme des faucons. Sinon, quand ils disent « Hey, moi, je veux pas que le monde vienne ici, c'est ma terre. » Tu fais comme « Excuse, je comprends pas, t'es autochtone ou t'es blanc? Tu veux qu'on accueille ou qu'on te déporte? T'es dans les rouges ou les blancs? C'est quoi les règles? Comment qu'on fait pour gagner des points dans ce game-là? Je veux jouer! D'habitude, ça marche. Sinon, quand ils font « Ah ouais, les immigrants vont venir ici, vont nous voler nos jobs », tu réponds « Ben, ça m'étonnerait, c'est pas facile à revendre sur Kijiji. » Je vous la donne, celle-là. Sinon, aussi, tout simplement, nier l'existence des Noirs. Tu sais, s'ils sont comme « Moi, j'aime pas les Noirs », tu fais « Les quoi? » Les noirs, la race, les chiens. Non, le monde, quoi, t'aimes pas le monde? Non, le monde noir. Attends, c'est quoi quand c'est noir de monde? Non, j'aime pas le monde noir. Le noir aux échecs, c'est quoi le fucking jeu, tu sais? Tu reviens à ça. Puis si t'as cette conversation-là, mot pour mot avec un nazi, c'est fini. Il est plus nazi. Ça, c'est le cheat code que je viens de vous donner. Comme ça. Tu l'as testé sur trois gars et t'as acheté. Oui, exact. Alors, faisant ça, ça les a fucké tête. Ils sont juste... J'arrête d'argumenter puis j'arrête d'être nazi. Fait que c'est ça que je vous conseille à tous. Merci beaucoup, Coralie. C'est des bons conseils. Coralie Lapp, la Perrière. Sérieusement, on n'a pas parlé, là, mais Moi connaître n'importe qui aurait participé à une réunion de cave comme ça, c'est sûr je le chicanerais. Genre j'arrive à 40 ans, là, la personne, je dirais, plus d'internet, t'as pas de dessert, dans ta chambre, va penser à ce que t'as fait. Plus d'internet, tu vas voir, le problème va se régler rapidement. Calice. Breitbart News, pis tout. Toi, t'es-tu suprémaciste? Non, vraiment pas. Non, c'est pas. Nice try. Toi, t'es rap suprémaciste. Non, pas bon, non. Moi, en fait, je suis vraiment hippie. Mes parents étaient hippies, fait que j'ai gardé mon cœur de hippie. C'est t'as juste hâte que Justin légalise ça? Ben, en fait, pour moi, si dans mon cas, ça fait 25 ans que c'est déjà légalisé, là. J'ai pas entendu faux. Après Justin. C'est pas faux. Et puis d'ailleurs, au Québec, on a quand même quelque chose de spécial qui arrive présentement. Parce que Philippe Couillard a déclaré qu'il ne voyait pas les opportunités de profit et la rentabilité de la vente de marijuana. Ce qui fait que dans l'histoire de l'humanité, il y a une personne qui voit pas le profit avec la dope, puis c'est celui qu'on a élu. C'est capoté, j'en viens pas. Ben, il le voit pas. Ouais, en tout cas, chacun ses chum L's. Je sais pas, c'est, peut-être que je vais. Guillaume, s'il te plaît, sors-moi de ça. Ah bon? T'es-tu sorti, là? Qu'est-ce que... Ah, c'est Alexandre Sarfati, notre voyageur de l'impossible. Ah, ah oui. Il nous a fait manger des œufs de canard foncés la semaine... Oh! Salut! Ben oui, oui. Oh là là! Je perds pas une seconde, Tu devrais le tenir à la place. Ouais. Comment faire ça? C'est comme s'il avait passé 40 ans, lui. Il est plus dur comme avant. Ça va bien, mon Tommy? Ça va, Alex? Certain, ça fait une semaine qu'on t'a invité. C'est ça, ça fait longtemps? Ah, bon, 240... Non, je vais mettre... Blablabla. Ouais, ça va bien, ça fait un bout. C'est vrai. Good job! C'est comme habillé en lutin. Ah non, ça c'est... je viens vous parler, comme tu t'en doutes un petit peu, de mon arrestation en Chine. Essayer de faire de quoi de drôle avec ça, mais j'avais le sou du policier chinois qui m'a arrêté. Fait que ça mettait de circonstances. C'est pour ça qu'il t'a arrêté? C'est quoi ça? Non, j'ai acheté ça illégalement dans un magasin de pneus. Et il m'a dit qu'il pouvait m'en trouver un, puis il a pas menti. Tu trouves tout en Chine. Tout, OK, tout, on avance. All right, fait que 5 minutes, moi, c'est starter ça tout de suite, si t'as pas d'objection. On est là. Fait que ça, c'était une journée terrible. Là. Ça a commencé, je viens de finir de travailler. J'étais tranquillement à PlayStationnant chez nous, puis petit coup à la porte, 7 policiers qui sont rentrés m'ont demandé de pisser dans un pot. J'avais fumé un bat la veille, puis là, mon calvaire commençait. Toujours est-il qu'ils m'ont demandé de pisser, je me suis trait pendant à peu près 45 minutes pour leur donner un petit résultat. Finalement, après 45 minutes, je pense que j'ai sué de la bite ou je sais pas quoi, mais je leur ai donné genre 5-6 petites gouttes transparentes. Qui avait des traces de marijuana. Fait que, ouais, ils m'ont embarqué directement au poste. T'as pas honte? Non. Non, mais j'ai un esti de beau côte, par exemple. Mais, ouais, fait que finalement, ils m'ont amené à pied avec les moyens du bord au poste de police. On sortait d'un. Quand même, on était dans un hôtel 5 étoiles. Fait que c'était gênant, la petite escorte, mais, ouais. Fait c'est que, pas du monde que tu vas revoir, je pense. C'est pas du monde que je vais revoir, non. Puis, en tout cas, rendu au poste de police, ça, c'est là que le fun commençait, parce qu'on s'est assis là, puis ça a pris un bon 4 minutes, puis on a eu une panne d'électricité. Je pensais que c'était les secours qui arrivaient, ou je sais pas quoi, mais non, l'ambassade fait pas ça. Des secours pour toi, genre, tu pensais qu'il y avait une électricité, c'est une panne de courant qui arrive en même temps. Ouais, je pense ça. L'ambassade fait pas ça, non? Mais... Papa, par exemple, je me suis rendu compte du tout que j'étais pas seulement au poste de police chinois, j'étais aussi dans les années 70. Oh. Hey, je te dis, au poste de police, t'entends les dactylos en permanence, c'est écœurant. Ça fume, man, clope sur clope, c'est beau, c'est beau de voir ça. les chemises avec les manches roulées puis tout. Puis je te jure, les années 70, c'est assez excellent. J'ai comme envie d'y aller. Sérieux, je le conseille, là. Tu sais, il y en a qui vont faire du rafting, d'autres du parachute. Si tu veux de quoi d'extrême, je te conseille... Le moment fort là-bas, par exemple, c'est quand ils ont amené les pièces à conviction devant moi. J'avais, ils ont mis mon hache, hein, 0.13 grammes de hache, ça, c'était pas pire. Sur toi? Ils l'ont trouvé dans mon hôtel parce que j'avais des traces dans ma piste, ils se sont permis de fouiller. Mon papier à rouler, mes clopes, parce que je roulais, moi, mon hache avec mes clopes. Puis là, il était fier, il y avait un instrument qu'il connaissait pas, mais il se doutait qu'il y avait de quoi de mal là-dedans. Ma putain de guimbarde, man. Ils l'ont déposé sur la table, là. Ben, j'ai dû jouer de la guimbarde au poste de police de Beijing pour leur faire comprendre que ça, ça allait bien, qu'il y avait pas de mal avec ça. Ils m'ont fait passer la même interrogatoire à toutes les 4 heures pendant 48 heures. Où j'ai acheté mon pote, combien je n'ai acheté, avec qui je l'ai fumé, comment je l'ai fini, à toutes les 4 heures non-stop. Il te réveillait. Puis un moment donné, j'ai changé parce qu'il finissait tout le temps par « Est-ce que tu savais que c'est illégal de fumer en Chine? » Puis la dernière fois, j'ai dit « Pas chez nous ». On dit « Oh, tu mens! Tu mens! Tu nous as dit que tu le savais! » Je suis comme « Ah, il a fallu que... » Ils ont trouvé une irrégularité dans ton discours. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, t'as trop parlé, là. Mais là-bas, tout, ce qui était trippant, c'était les changements de chiffres des policiers, parce que je suis resté 48 heures au poste avant la prison. Et puis, la plupart des policiers dorment au poste de police. Fait que tôt le matin, puis tard le soir, tu vois des policiers en sous-vêtements qui marchent avec leur uniforme. Qui vont prendre une douche dans le lavabo, ça chie la porte ouverte, tu peux aller les voir puis tout. Il y avait tout un gros sympathique là-bas que j'ai vraiment aimé. Tous les autres policiers, ses collègues, ils sauvaient tout le temps un peu de lui, mais il y avait tout le temps une chaudière avec des maïs, puis ils distribuaient du maïs, ils foutaient de l'eau sur les ordis, ils salopaient tout, mais était vraiment enthousiaste avec son maïs, il voulait partager, écoute. C'était comme le beau-frère sénile d'un de la gang, puis il laissait une tête. Des fois, je pense pas que t'as besoin d'être à l'école pour être flic en Chine. Il y en a qui sont... ça a l'air une job facile, genre brigadier, ça. Ça a pas l'air super facile, parce que ils dorment à job, là. Ils dorment à... Ouais. Pourquoi tu retournerais chez vous si t'as le droit de dormir, en fait, là? C'est... Ça me fait penser aux films américains. En fait, les policiers dans les films américains, ils dorment jamais, eux autres. C'est vrai pareil. Ah. Non, en Chine, t'as le droit de dormir partout. Si t'as pas d'argent, tu veux dormir, le McDonald's t'attend, hein, tu vois des vestons cravates, dormir là-bas. Puis un des policiers qui nous a pris sous son aile de poulet, puis il était quand même correct avec ça. C'est ça, tu te l'as écrit sur ta feuille, ça. Non, mais j'ai vu poulet pour une autre raison. il nous a proposé d'aller nous acheter de la bouffe, genre. Puis il nous a mimé des burgers au poulet, puis c'était vraiment cool, son imitation de burger, ça tenait. Après 48 heures, à un moment mais donné. Mais il nous a mimé surtout le poulet. Surtout, t'as fumé de la dope. Il t'a mis de la quoi? Non, il nous a mimé un poulet pour qu'on cache qu'il parlait d'un burger au poulet, mais c'était quand même trippant du policier qui nous mime. Man, il est où ton smartphone quand ça arrive? Hein? Mais on n'a pas filmé, mais ils nous l'ont laissé. Il devait enquêter sur nos téléphones pour trouver des dealers de la porn, parce que c'est super illégal là-bas, puis tout. Puis ils nous ont laissé notre téléphone pendant 36 heures avant de le fouiller, puis on savait qu'il allait le fouiller. Puis il y avait comme plus grand trace après 36 heures. Factory reset. Puis sinon, un autre trip trippant, ils m'ont amené à l'hôpital. Puis ils m'ont fait une échographie des poumons, de l'estomac puis du cœur. Ils m'ont scanné, ils m'ont pris des prises de sang, ils m'ont fait un truc à la tête que je sais pas comment ça s'appelle. Et puis, j'étais content d'être en Chine en ce moment-là. Parce que ici, je serais probablement encore à l'hôpital. Ça s'est fait en dedans d'une soirée, c'était assez trippant. Puis c'était cool, le policier qui m'accompagnait, il était bermuda, chemise à... Puis après, dressé comme ça, il y a de l'air vraiment cool. C'était comme un travailleur de rue, genre, qui s'était planté puis qui n'avait pas le choix de devenir policier ou je sais pas quoi. La honte! Ouais, c'est ça. Que, ouais, sinon, dans un autre ordre d'idée, m'emmener la au lab. Pointe, c'est illégal en Chine. Chris, oui. Mais tu peux t'acheter un vagin en plastique ou un dildo, ça c'est correct, là. Mais t'as pas le droit d'en écouter. T'as pas le droit d'en faire non plus. Ça c'est. T'as le droit d'en imaginer dans ta tête. Je pense qu'en 2025, ils vont trouver une façon de s'alarmer. Pense à la dernière fois que t'as fait la vaisselle, plus. Mais ouais, toujours est-il que c'est ça. Après ça, ils m'ont envoyé au lab pour peser ma drogue. Puis c'était assez trippant parce qu'ils m'ont attaché sur une chaise à torture. Ça, c'était vraiment cool. C'était un dossier bombé. Puis le cul est bombé. Puis là, ils t'attachent, fait que tu peux pas bouger de là. Puis Orange Mécanique, ils te mettent un écran de TV dans la face. Puis comme, OK, là, tu regardes ce que le laboratoire gars va faire. Puis, il a essayé de peser mon H qui était 0.13. 0.13 grammes. 0.13 grammes. Ouais. Mais sa balance était fuckée. Puis, ça a toujours oscillé entre 0.13 et 0.14. Du coup, ils m'ont laissé fucking 40 minutes assis sur ma chaise à torture jusqu'à temps qu'il y ait un chiffre stable. Finalement, ils ont été ben blood. Ils m'ont donné un 0.13 grammes. Oh! Qui a d'ailleurs disparu, j'étais juste criminel de ma pisse. Et voilà, bout de criminel de ma pisse. Fait qu'on a-tu la suite dans le futur? On a-tu Si j'ai encore une petite minute, vas-y. Je fais ça vite. Après ça, ils m'ont emmené au poste de police, c'était cool. J'ai eu test médical encore. Puis quand j'étais kid, j'avais un truc pour pisser. Je me grattais le nombril puis tout. Puis là, pendant 45 minutes, j'ai essayé ce truc-là. Puis quand j'étais arrivé au truc médical, j'avais le nombril en sang. C'était une gale, ça a jamais marché, hein, mon truc, ça marchait. Ça marche genre avant 14 ans, ce truc-là, je pense, je sais pas quoi. Mais y a personne ever qui a un truc pour pisser. Ça marchait, je pense, j'ai pas gagné ça dans les scouts, mais là, ça a choqué. Puis en tout cas, j'ai demandé en chinois à un Pourquoi des flics... Pourquoi t'avais besoin de pisser dans les scouts? C'est quoi ça? Ben, je sais pas si t'as remarqué, mais à part les détenus, il y a juste un enfant que tu peux forcer à pisser. Genre, on va faire de la voiture, je vais pas arrêter, il va pisser. Fait que faut que tu trouves des trucs, des fois. En tout cas, j'étais bien autoritaire chez nous, surtout sur l'urine. On découvre Alexandre tout le monde en même temps. Puis, pour finir, truc pas pire et tout, j'étais arrivé à la prison. J'ai demandé au policier, il va se faire que je me batte. Là, j'étais un touriste blanc, j'ai trouvé le tour de dire ça en chinois. Puis j'ai dit, j'étais un touriste blanc, j'ai toujours besoin de me battre, puis tout. Puis t'es comme, mayo, ce qui veut dire non. Il a crissé son camp. Finalement, du remords dans les yeux, il est revenu me voir. Puis il m'a fait un hug, man. Puis il a crissé son camp. Là, j'étais comme, oh, tabarnak, ça s'enligne pas bien. Ah bon? Puis après ça, c'est une dizaine de jours de calvaire. Et voilà, ben, ça va être la prochaine, celle-là, on va en parler. Ça me ferait plaisir. Merci beaucoup, Alexandre Sarfati, mesdames, messieurs. Notre voyageur qui t'es-tu dans Cavalier? Non. Les gars de Cavalier, ils ont fait de la prison pour. Ben, c'est ça. Non, c'est pas lui. Okay. Non, c'est pas lui. Voyons, arrêtons de faire partie de la solution. Ben non, je pose une question. D'ailleurs. Non. En fait, sinon, comment ça se passe, toi? Ah, c'est drôle. C'est Et bon. Comment tu sélectionnes ton anti-swing? Mon anti-swing? Ah, ben, écoute, il est en spécial. Pas celui en spécial. Ben, c'est pas pire, j'aime Il ça. Fait sa job? C'est parfait, non. T'as rien à... Tout va bien, là. Y a pas de problème. On est prêt pour le prochain, Guillaume, s'il te plaît. Salut, JS. Salut, hey, ça fait longtemps que je suis pas venu ici, hein? Ben oui. Ça fait longtemps. Hey, salut, Bérubé, tu vends-tu encore de la messe? Lui, il s'en souvient. C'est certain que je m'en souviens. Hey, trêve de plaisanterie, Tommy, tu sais que moi, j'aime la langue, hein? Tu sais, avec Eric Carmen, Kevin, j'aime ça parler tout croche. Et j'aime, tu sais, la correspondance des années 80. Hey, merci, il m'a passé de la drogue. C'est de la messe. Ouais, t'as amené ma collection. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je faisais de la correspondance des années 80 avec des expressions d'antan, les péter, les sauter, les fucker. Puis, ça fait longtemps que je suis pas venu faire ça et je suis pas venu en tant que curateur du Musée de l'Absurde. Donc, j'ai réuni tout ça ensemble et j'ai décidé de vous amener de la correspondance d'une autre époque, 10 ans plus tard après les années 80. C'est la correspondance avec Madame Claude dans le Photopolis. Les pages centrales du Photopolis. Le monde qui envoyait leurs histoires de cul ou les photos de leur sexe ou ceux de leur copine ou de leur copain. Pis c'est vraiment super hot. Ce qui est hot là-dedans, c'est pas nécessairement ce qu'ils parlent, mais de la façon qu'ils parlent. C'est très cru, c'est très vulgaire. Et d'emblée, je tiens à m'excuser à la famille Boudreau et probablement à mon père qui va se joindre à nous dans peu de temps. Alors, on va commencer avec une lettre qui dit « Elle ne voulait pas... avant tout. OK, on va faire un drinking game. À chaque fois que je vais dire le mot « crosser » ou « crosse » ou, désolé, « plot », il faut dire « plot » ou « crosser » puis on prend une glue. Bon, on fait juste boire. Je le savais. On va probablement le dire. C'est ça je me disais. Bon, fait qu'on commence. Elle ne voulait pas fourrer, je l'ai sucée. J'ai rencontré une femme dans un club et elle m'a dit que je perdais mon temps car elle ne faisait pas l'amour la première fois qu'elle rencontrait un homme. Je suis allé la reconduire et elle m'a invité à prendre un café. Rendu chez elle, je lui ai dit que je ne buvais pas de café, mais que je mangeais des plottes. Joignant le geste à la parole, je l'ai couché sur le tapis et je lui ai relevé les jambes et je l'ai mangé. Elle criait « Non, non, non! » Trois petits points. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas mis des points d'exclamation. C'est ça. Mais je ne pouvais pas... Mais je ne pouvais pas répondre car j'avais sa plotte dans ma bouche. Elle coulait comme une fontaine. Après, je l'ai couchée sur le dos et crois-moi, elle s'est fait fourrer. Fourrer! Ah, oh, fourrer, crosser, on les fait toutes. Elle criait cette fois. Encore! Encore! Va au fond, maudit cochon! Donne-moi toute ta décharge! Je lui ai répondu non. Avant, il faut que tu me suces. Et là, je lui ai déchargé dans la bouche pour ensuite la fourrer. Depuis, nous sommes de bons copains. Elle me téléphone régulièrement pour que j'aille la fourrer. Mais elle dit qu'elle ne resterait jamais avec un cochon comme moi. Moi, ce que je veux, ce n'est pas tellement rester avec elle, c'est la fourrer. Et voilà la réponse de Mme Claude, c'est « Et voilà, tout le monde est donc satisfait comme ça. » Ensuite... Merci, Mme Claude. Merci, Mme Claude. On va y aller dans un registre un petit peu étrange. À propos de cette mère qui crosse son fils... Crosse! Mme Claude, à propos de la femme qui vous écrivait disant qu'elle crossait régulièrement son fils handicapé... Ah, crossé, ouais, crossé! Qui crossait régulièrement son fils handicapé. Je pense qu'elle n'est pas correcte. Qu'elle crosse son fils, ça passe. Crosse. Lui... Ouais. Il ne peut pas avoir du sexe à cause de son handicap total. Mais qu'elle en profite pour jouir en se pognant la plotte en même temps, ça, je ne l'accepte pas. Je suis une mère moi-même et je n'ai jamais bandé sur mes deux fils qui sont pourtant très beaux. What? Les gens, hein, des fois, là. Non, mais c'est ça, c'est qu'elle se retient, puis là, elle est jalouse. Ouais, c'est ça. C'est qu'elle l'a fait, déjà. C'est ça. Peut-être que si l'un d'eux était handicapé, je le crosserais. Mais je ne jouirais certainement pas. Je ferais cela par devoir, pas par plaisir. Cette mère n'est peut-être pas dénaturée, mais c'est une maudite cochonne de jouir en crossant son fils. La réponse de Mme Claude, ton jugement est sévère, mais je crois que tu as raison. J'avais suggéré à cette mère de consulter un professionnel de la santé et j'espère qu'elle l'a fait. Merci de ton commentaire, je t'embrasse. Et la dernière... Ouais, je pense pas qu'on en voit beaucoup encore dans le futur de ça ici. La dernière, une truite frétillante dans la plotte. Il y a un dessin qui va avec. Il y a un petit dessin en plus, le gars, comment c'est cute. Lors d'une partie de pêche avec mon chum, je vais le faire en voix. Attends. L'article s'appelle une truite frétillante dans la plotte. Il y aura pas beaucoup de développement autour de ça là. Non. Il va avoir une plotte, une truite, elle va frétiller. Fait qu'on y va. Dedans là, oui. Lors d'une partie de pêche avec mon chum, j'ai attrapé une belle truite et on a essayé une nouvelle affaire. Il me l'a rentré dans la plotte. La queue en premier. Pendant au moins 2 minutes, j'ai joui comme une malade. Elle frétillait. Elle donnait plein de coups de queue dans ma plotte. La truite frétillante dans la plotte. Et j'en ai presque perdu connaissance dans la chaloupe tellement l'orgasme était fort. On a fait la même chose avec une seconde truite. Et pendant que je jouissais, mon chum se crossait. J'avais l'impression que j'allais exploser. C'était si bon. On a répété l'expérience avec une troisième. Non. Hey, passe ton quota, ça presse. Ouais, le quota, ouais, c'est vrai. Hein? La plus grosse, cette fois, ça bardassait dans ma plotte comme jamais. Je n'ai jamais aimé beaucoup la pêche, mais maintenant, j'aimerais y aller à tous les jours. Quand on a mangé la truite le soir, mon chum m'a dit qu'elle goûtait un petit quelque chose de spécial. On a bien ri et il m'a fourré d'aplomb après m'avoir mangé. La réponse, quand il t'a mangé, ça devait aussi goûter un petit quelque chose de spécial. C'est sûr. C'est sûr. Parce qu'il y avait ta mère. Truite. Décollé. En tout cas, moi, juste pour dire que j'utilise pas ça, plot. Moi, je préfère ploune. C'est ça. Elle a une belle ploune. Et voilà, c'est dit. Merci beaucoup, JS. D'ailleurs, j'en profite, s'il y a des gens qui ont jamais vu le Musée de l'absurde, à chaque vendredi soir, on a des soirées portes ouvertes avec un VJ, puis on écoute un film vraiment super bon. là-dessus, Guillaume, amène-nous au prochain. It's about to get real in the house. Man, kids beat. Merci, man. Yes, sir. Hey, salut tout le monde, man. Ouais, t'as ça, mais on n'a pas besoin. Là, c'est un signe de merde. Merci, gros. Ouais. T'as un ballon, je peux t'appeler gros, gros? Oh, oh, t'as un ballon, man. Hey, salut le brou, man. Yeah! Yes, sir. C'est un bout qu'on est pas venu, man. T'es pogné, là. Pogné en tôle, esti, hein. Hein? Ouais. Ben, ça, les CD, t'es pogné aux douanes, merde. C'est pas une bonne idée de me fournir un gramme de poudre de l'achat de l'album. Ça a pas passé, ben. Ça a pas marché. J'ai ramassé un peu dans la merde, esti. Pogné pour sniffer des wake-up écrasés, esti. On avait acheté pour tout le monde, là. Non, non, c'est clair. Puis là, lui. Hey, gros, moi, j'ai écouté... Attention pas le péter, là. Attention pas le péter, man. Là, coûter une pièce et 25, ça, au Dollarama, gros, là. Hé, hé, hé. Moi, un kit qui coûte cher. Calme-toi, gros. Menacé, là. On a une nouvelle toune, gang. Oh! Hey, vous êtes contents, tabarnak, hein? Oh! Yes, sir. Vous êtes contents, calice. Nouvelle toune, puis y a lui, là. Hey, gros. Peux-tu me partir la toune, s'il te plaît, man? Come on, me bro, man! Yeah! Côte-Nord représente! Yeah! Brr! Off Saint-Pierre! Oh! Yeah! 5-3-8! Situé nos coconuts! Bronzage contrôlé! Copper tongue! Huh! Check it out! Comment le brew, man, ça participe pas! Yeah! T'es-tu en forme? En forme de quoi? Trop de beer, trop de substance illicite. J'sais plus si je vais être capable de me pogner Brigitte. Du beach club à plage d'Oka. J'm'ancrais sur le king. Dans mes sandales, j'mets des bas. J'promets mes nouveaux shows au milieu de la scène 4. Faudrait que j'change de kit, j'commence à suer en tabarnak. Montréal, t'es plein de touristes, c'est bon pour les deals. Voyons passer du persil. J'étais pas sûr à cause de la température. J'avais sorti mon kit, j'avais sorti ma guide. J'ai pas réalisé ce qui se passait dans ma cour. Mon chat allait dehors, je voulais ouvrir les fenêtres. Tout le monde me souriait, personne portait de manteau. J'ai pas vu un foulard, parle-moi pas bas d'hiver. C'est là que j'ai compris, la neige est toute partie. Le printemps c'est pas demain, l'automne c'est juste demain. C'est Céréal Killer, le party pogné. Ben beau s'amuser, faut rester sécuritaire. Y'a du monde dehors, 9h30, va coucher. Le soleil gros, c'est dangereux pour la peau. Qu'est-ce qu'on fait? C'est l'été. On va en camping, c'est congé. On joue à la cachette. Ah, si je t'attrape, je te mange. À l'attaque barbecue. Tout donc quel âge qu'on a? L'été, c'est fait pour jouer. Fuck le printemps. C'est beau, mais c'est moins chaud. Pis fuck l'hiver, gros. J'aime mieux juin ou du pur délire. Pour la famille. Pokémon, gros. Ben beau les barbecues sur ma grosse terrasse. Mais moi, je veux du sunshine. Je veux montrer le sac. Je prends mon gun, mon kit. Je veux prendre un limo au corps. Je vais... Like a fucking star! J'ai peur! T'en souviens-tu toi-même? Mais je m'en souviens pas de la toute, gros. Non, man. T'en souviens plus, man. Ben là, gros, Crampé représente Abazou. École de la chanson, je représente les artistes. Je suis ton évolution quand je suis dans ta bâtisse. Je suis ton système scolaire, je suis ton système solaire. Je suis la chose la plus hot qui est sortie de ta crotte. C'est le soleil du campus qui te pointe dans ma face. Je voudrais être sur une plage à la place. Je suis trop wild, il serait pas tu prends ce dope là. Je me roule la tête, je me prends pour un chat. Chat. Miaou. Go. Miaou. Go. Miaou. Go. Miaou. Miaou. Prêt pour un chat. Miaou. Go. Miaou. Miaou. Miaou. Miaou. Go, tu te prêt pour un chat. Faut faire attention de pas trop consommer. Une insolation. Pis tu te prêt pour un chat. Ça veut pas dire qu'on peut pas avoir de fun, non. Quelqu'un qui se crème, c'est quelqu'un qui gère. Gros man, j'ai donné mon ballon à DJ Org, man. Je sais pas trop ce qui est en train de se passer, mais on a renversé juste un fond de bière dans tout ça. Merci beaucoup, Cyril Keller, mesdames, messieurs. Ils sont vraiment... En tout cas, les gars, wow, too much, beau gros, hein? Les boutons, non merci, Clérazel, tubulaire. Qu'est-ce que je dis après ça? Puis, t'en penses quoi? Hey, ils font penser à des rappers que je connais, là. Mais toi, t'es comme un... Tu cherches des poulains là-dedans? T'es, pourrais-tu en fait, leur moi, faire un album? Ben, en fait, moi, je travaille plus pour les artistes. Ils viennent me voir, puis je les enregistre. Fait que s'ils viennent me voir, puis ils me payent, moi, leur faire un album. Là. Mais je suis pas Dr. Dre. Hey, on va pas leur signer. Si vous avez de l'argent, vous pouvez avoir un album. Il y a quelqu'un qui veut vous faire... Ils vont régler des affaires. Asti, qui sont débiles. Sinon, ben, on arrive tranquillement, pas vite, à la fin de 70%. Je pense qu'il y a une affaire que j'ai oublié de te demander. Moi, y penser, je te reviens. Let's go, Guillaume! La suite! C'est ça. Merci beaucoup, Guillaume Blais, Blais entier. Tu vas nous faire une toune après lui, hein? Oui. J'ai hâte. Prépare-toi, on va mettre ça. Je me suis pointé pour qu'il sache que c'était moi le prochain. C'est une bonne attitude. On grandit tout le monde ensemble. Le concept de house band à 70% a même pas un an encore. C'est vrai. C'est capoté, là. Jocelyn... On applaudit notre concept de house band qui a même pas un an, s'il vous plaît. Bravo pour les non-anniversaires. Ben mieux que ça, en fait, lundi prochain, ça va être Jocelyn Terrien qui va être le house band avec les douchebags. Mieux que ça, t'as-tu entendu? Non, non, ben pas mieux que toi, mieux que le fait d'applaudir le vide, là. C'est le seul, là. Le fait d'applaudir ce qu'on fait, ça, c'est pas super cool. OK, c'est bon. Hey, let's go, Bruno, amène-nous dans le monde de l'univers. Oui, justement, Coralie en parlait tout à l'heure. Ensuite, aux manifestations d'extrême droite / suprématie blanche / néo-nazis qui ont eu lieu à Charlottesville, en Virginie, une compagnie s'en sort comme étant la plus grande victime, en fait. En effet, la marque de torches de jardin Tiki, qui peut être aperçue sur plusieurs photos à la main de manifestants la brandissant alors qu'ils scandent des slogans comme « Blanc bon, noir moins bon », j'imagine. A dû se distancer des participants affirmant qu'ils n'endossaient pas leur message et n'utilisaient pas leurs produits d'une bonne manière non plus. D'ailleurs, tu n'aurais pas transporté une tiki torche, c'est dangereux. C'est donc faut que tu la plantes dans le sol. Ouais, ouais, ils ont pas suivi. C'est pour le fun. C'est pour le quand t'as un camping là, tu mets des tiki torches autour. Ouais. Tu sais, ça fait un party. C'est pour ça. C'est, pour c'est un pas pour faire une procession de camping. Pour éloigner les mouches. Oui, c'est ça, c'est effectivement, tu mets des chandelles à citronnelle, tu t'éloignes les mouches, c'est ça le truc. Okay, je capote, dude. Ça va vraiment bien, c'est un bon 70%. Puis je dis pas ça parce que je suis sous. J'en veux une autre, Valérie, s'il te plaît. Let's go, on passe au prochain. Le service des incendies de Orange County, en Californie, a dû intervenir alors qu'une maison a pris feu après que les résidents aient allumé des chandelles et de la sauge. Il semble que les résidents effectuaient un rituel dans le but de chasser les mauvais esprits. Le feu a été contenu à la chambre où le rituel avait lieu. On n'a toujours pas de nouvelles du mauvais esprit. Penses-tu que pour ceux qui ont fait le rituel, ça, c'est une confirmation que la chambre est vraiment super hantée? Puis la prochaine fois, il va falloir amener plus de caves et plus de sauge. En même temps, si la chambre a passé au feu, me semble, tu sais, c'est comme... Tu l'as assainisé, là, je pense. Le feu, ben non, c'est les méchants naissent dans le feu. En tout cas, je sais pas. Parce que le fantôme, il brûle pas, Bruno. Tu le sais comme moi. Ouais, mais le fantôme, ça brûle pas, Bruno. Ouais, je sais, mais il veut-tu vivre dans une chambre où est-ce qu'il y a des infiltrations? Ok, je vais continuer. Ouais, go. J'ai gagné. Oui. Un homme d'Albuquerque au Nouveau-Mexique était à un concert de Metallica à Phoenix quand une maudite envie lui a pris la vessie. L'homme, au lieu de trouver une toilette, a décidé d'ouvrir sa braguette dans la foule et de se soulager sur une famille de trois qui se tenait devant lui. Parce que oui, il est maintenant acceptable d'amener votre fille de 10 ans à un concert de Metallica, mais elle risque de se faire pisser dessus. L'homme de 44 ans a été arrêté et accusé de conduite désordonnée et de grossière indécence. L'alcool aurait joué un rôle dans cet incident. C'était pas un show de Gigi Allen, là. Metallica, ça impressionne plus personne. Là, non, je sais, c'est ça. C'est correct maintenant d'amener ta fille de 10 ans à un show de Metallica, mais il y a encore du monde qui risque de pisser sur sa tête. Bruno Corbin, mesdames, messieurs! Ah oui! Ah, sabristi! Sinon, on va aller écouter quelques clips que tu nous as sélectionnés, Félix. Oui, en fait, tu m'as demandé des clips qui résumaient ma carrière. Fait qu'en fait, le premier, c'est probablement ma première apparition à la télévision comme DJ, parce que j'avais déjà apparu comme comédien. C'est à Bouge de là, avec Abeille. C'est un moment croustillant de YouTube. Ensuite, le deuxième, c'est probablement le seul vidéo où je rap que je joue à Musique Plus. Donc, j'étais dans le groupe Cavalier Noir. Je sais pas, y a-tu du monde qui connaît ce groupe Cavalier Noir? Oui, ça me dit quelque chose, ça. On était le premier groupe de rap punk au Québec. On était full fâchés dans cette chanson-là. Ouais, j'étais fâché dans ce temps-là. Puis après ça, la dernière vidéo, c'est plutôt ce que je fais aujourd'hui. Je travaille avec Samian, qui est un rappeur autochtone. Puis en fait, c'est une vidéo qu'on a tournée à New York. Donc, c'est pour montrer un peu l'évolution. Là. Et voilà. Merci beaucoup, DJ Org, mesdames et messieurs. Merci. H-O-R-G. Allez le suivre sur Facebook. Merci beaucoup à Bruno Corbin. Merci. Particulier à tous les chroniqueurs, mais surtout à l'équipe technique, Olivier Sirois, Stéphane Mallette, Alexandre Larocque et Mathieu Potvin, sans qui rien de tout ceci ne serait possible. On vous laisse avec notre house band de la soirée, Guillaume Blais, qui va nous joindre dans sa chanson. L'œuvre de Pascal sera vendue tantôt à l'encan. C'est la fin de 70%. On vous revient avec les clips de DJ Org. Ah! Yeah! Hey, check ça, man, c'est mon coup de gueule de Charlotteville. Nazi-pong, fuck off! Nazi-pong, fuck off! Non, sérieux, bon, voilà. Et voilà, c'était un petit coup de gueule. Hey, parlant d'alcool et parlant de... santé! Elle m'a dit que j'en irais si j'arrêtais pas de boire. Fait que j'ai brossé comme un défoncé parce que j'étais curieux de voir. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est quelqu'un de parole. Mais je suis bien content qu'elle soit partie avant que je fasse un overdose d'alcool. Mon problème de boisson a sacré le camp. Juste à temps avant de gâcher ma vie. Des fois, dans vie, les choses arrivent au bon moment. Mon problème de boisson was à quelqu'un. Elle disait que j'avais un problème, maudit qu'elle avait raison. Je sortais d'un bar au lieu de rentrer chez nous. Ah, pastille, hein? C'était même rendu que je déprimais ma barmaid. Puis je suis bien content, m'a pourri pour y dire que j'ai plus besoin de son aide. Mon problème de boisson a sacré le camp. Juste à temps avant de gâcher ma vie. Des

Peut-être 25 sous, peut-être 10 $, on sait pas. Il y a Sauce en ce moment qui s'occupe de la musique. On commence avec le premier item. On a un beau tape. Un tape absolument... Oh, Chris! On commence avec deux tapes. Oh, mon Dieu! Oh, wow! Ah, oh, je m'y attends. C'est incroyable. C'est incroyable ce soir, là. On commence avec une trilogie absolument, là. Est-ce que vous connaissez Roger Moore? Ah, il est là, là. Ah, oh, Roger Moore. Ah, oh, fais-moi l'amour, Roger Moore. Un grand acteur. Oui, Roger Moore, là, il est là maintenant. On a une belle trilogie, là. Un beau trois thèmes. On commence avec un premier don, là. Hein? Est-ce qu'on a quelqu'un dans la salle? Quelqu'un dans la salle? Ah, oh, $2. Très beau. $2, c'est très beau. $3, c'est bien. Est-ce qu'on a quelqu'un qui veut augmenter à $3? Est-ce qu'on m'entend bien? Ah! Oh! Oh, wow! Est-ce qu'on a la collection complète de VHS ce soir? Est-ce qu'on y va? On y va pour le tout pour le tout? Ah! Oh, wow! Ah! Oh, $3! MVP2. Avez-vous déjà vu MVP2? L'important, c'est de ça même. Elle a été un peu garrochée ce soir. Échappée. Seulement échappée. Est-ce qu'on a quelqu'un qui veut augmenter un petit peu la gagnotte? Un petit $3. Oh. Ah. Mathieu, t'es dangereux, mon petit bonhomme, là. Qu'est-ce que tu fais là, Mathieu? Mathieu Boudreau, tout le monde! On l'adore! Bon, est-ce qu'on a quelqu'un, là? Hein? $4? Quelque chose? 5 VHS pour $4. Bon, ben, calice. Monsieur $3, il est où, là? Hein? Le beau petit bonhomme... $3, oh oui. Oh, 3 fois, calice. Bon, on continue avec une merveilleuse. Oh oui, oh oui, oh oui. Ah, aimez-vous Barbie? Barbie, elle est belle. Barbie, les autocollants. Les autocollants déjà collés. Êtes-vous déjà allé à Dallas? Moi, je pense que non. Si vous voulez expérimenter Dallas, c'est le livre pour expérimenter. Oh, wow! Oh! Barbie by the sea. Tommy adore. Tommy absolument se délecte. Est-ce qu'on a un don? Est-ce qu'on a un premier? Oh! On a $1. Oh, on a $2. Est-ce que j'ai entendu 3? J'ai entendu 3. Oh, mon Dieu, incroyable. Le petit jeune homme, là, ici, là, il est beau, il est bon. Il a une belle énergie, en plus. Est-ce qu'on continue à $4? $4 à quelqu'un? Oh, mon Dieu! Wow! Quel beau jeune homme! Aimes-tu les cristaux? Aimes-tu les cristaux? Touche ma main. Oui, vas-y. OK. Ah! Oh! Est-ce qu'on y va à $5? 5 $. 5 $ serait beau, serait bon. $4 une fois. $4 deux fois. Oh, mon Dieu, on a un beau jeune homme. Ah! Oh, le beau jeune homme à $5. Quel beau jeune homme. Quel est ton nom, mon jeune homme? Pardon? Yannick, crois-tu à l'après-vie? Crois-tu à la vie après soi? Le transfert de l'âme, 5$ une fois, 5$ deux fois, 5$ trois fois, Yannick, mon beau petit Yannick. Yannick, ce soir, tu es allé à Dallas, mais non seulement tu es allé l'autre côté. Et l'autre côté, c'est la plus belle chose. C'est la plus belle chose qu'on peut te donner. On va vendre le tableau maintenant. Le tableau maintenant, est-ce qu'on pourrait avoir l'artiste? L'artiste, s'il vous plaît. Pourrais-tu nous parler un petit peu de ton œuvre? Ben, ça signifie un peu la mort de la télévision. Si elle devrait... Oh, parle plus fort. Parle plus avec la main devant le micro comme ça pour avoir plein de basses. Plein de basses. OK, c'est la mort de la télévision, tout le monde. La mort de la télévision. Si elle devait se personnaliser, ce serait avec des explosions, bien sûr. En changeant toutes les postes de télévision et volant vos sandwichs. Moi, c'est beau. Moi, ça m'inspire. Des explosions, ça parle aussi de s'extérioriser, hein? De sortir son âme de son corps un petit peu. Est-ce qu'on peut avoir un premier qui veut nous donner... Oh, on a un 10$. 20$. Oh, on a un 30$. 35! Incroyable! Je sens vos énergies. C'est beau. Oh, c'est beau. Oh, 36! C'est beau, la jeunesse. Merci. As-tu un beau zircon à la maison? 38$! Oh, on élève la gagnotte. C'est beau. 38 une fois? 38. Oh, 39. Oh, oh, 40! Oh, oh, 41. Oh, 42. Oh, oh, 43. Oh, 43. C'est beau. Je vais arrêter de parler comme ça. Si vous... Ah, 45! Vous voyez, il y en a un qui sait quand est-ce que je vais arrêter de parler. Ah, 46. 46 étant mon chiffre chanceux. J'ai gagné un très beau 4$ la semaine passée. C'était incroyable. Écoutez-moi bien. J'étais aux machines, j'ai dépassé 335$ sur les machines à sous. Mais, oh là, on y va, là. OK? C'était quoi le chiffre, le nombre final? 45. 45. Oh, mon Dieu, 46. Excusez-moi. Oh, mon Dieu, 47. 47 est mon deuxième chiffre chanceux. Est-ce qu'on a un 40? Oh, 48. Mon Dieu. Oh, 50$. C'est beau, ça. C'est beau, la chicane. Quand ça donne des sous. 50$ une fois. 50$ deux fois. Et... Oh, mon Dieu! 60$! Oh! Oh! On sent vraiment que... La basse dans ma voix fait des merveilles. 60$ une fois, 60$ deux fois. Est-ce qu'on a un giz qui va caler une troisième fois? On a un giz qui a calé un trois fois pour 60$. Merci beaucoup, giz. C'était très beau. Giz, si tu veux un conseil, achète-toi une belle améthyste de 4 à 8 pouces. C'est une belle énergie. 10 pouces, 5$. Ah, oh, tu rétrécis, là. Ça arrête pas de rétrécir. Merci beaucoup, Arnaud Audette, mesdames, messieurs! C'était sa première fois comme encanteur. J'ai l'impression qu'il a besoin d'un podcast qui dure une heure trop longtemps. Arnaud Audette, hein, c'est le contraire de n'importe qui, c'est tout le monde. Et Arnaud Audette est tout le monde. Non. Va nous payer des shooters, là, je vais baisser l'écran. Je parle du film, je te reviens. Juste dire à tout le monde que merci, puis je vous aime. C'est ça, ils savent ça. Décolliste, va nous payer des shooters. Énergie. C'est mon micro. Calliste, assez. Ah non, le mal! Qu'est-ce qui va... C'est comme le blob hein, qui envahit le... douteux.org, comme vous le savez, à la base, on voulait faire écouter des longs-métrages que les gens n'auraient pas vus nulle part ailleurs. Voyons, tabarnak. Puis, à un moment donné, on a décidé de... Mathieu Boudreau qui va passer ici, la petite boîte. Si vous avez du change dans le fond de la poche et que vous êtes un petit peu cheap. Parce qu'on veut du cash, là. C'est le moment que j'adore. c'est un incommensurable plaisir. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'amènes un tribuc. Viens tenir ça! Oh, tu m'amènes des Wall of Food. Attendez un instant, là. C'est un honneur en ce moment. Oh. Non, le nouvel âge n'aura pas mon... Merci! Ah, il y a une trentaine de Wall of Food là-dedans. En tout cas, c'est une autre histoire. Merci. Ah, je suis une pute à Wall, moi, c'est sûr. Pour vrai, on écoute, c'est le mois des gros bras à douteux.org. Et à chaque année, à cette époque de l'année, on veut ramener au goût du jour un acteur qui se rasait le chest. Écoute, ça vient avec les gros bras. Et là, ou sinon, il y a un moment donné, ta masse musculaire est tellement là qu'à place de faire du poil, ton corps, il émet du luisant. Fait comme ça, t'es jamais poilu, mais t'es tout le temps luisant. Est-ce qu'ils l'ont? Donc, on écoute un long métrage dans lequel le héros, c'est Lorenzo Lamas, qui était pour la première fois... featuré comme un des gros bras. D'habitude, c'est du Dolph Lundgren ou du... Je t'aime, moi aussi, Francis. Là-dessus, il y a quelqu'un que je suis très content de lui passer le micro. S'il te plaît, Pascal, viens nous en parler dans tes mots. C'est Pascal Gélina, c'est... Ben non, c'est pas Pascal Grenier. Ah oui, c'est vrai, Pascal Gélina, c'est mon ami de Rouen. Ouais, c'est ça. Non, c'est Pascal Grenier. Bonsoir à tout le monde. Fait que, qui c'est qui connaît Lorenzo Lamas? Juste pour, vous allez voir, Lorenzo Lamas, il y a quand même un physique assez particulier, là. Premièrement, sa mère, c'est une Norvégienne, puis son père, c'est un Argentin. Donc, ça donne un mix quand même assez bizarre. Puis, il a commencé sa carrière comme soap opera. Dans la série Falcon Crest. Je ne sais pas si tu le connaissais. Puis après ça, mais il a décidé que, vu qu'il avait un background en arts martiaux depuis l'âge de 13 ans, il a fait des. Je pense qu'il a une ceinture noire en taekwondo puis en karaté, si je me trompe pas. Quoique, c'est pas le meilleur que j'ai vu en arts martiaux. Mais bon, voilà. Fait que vous allez voir Lorenzo Lamas en action. Puis le réalisateur, c'est Tibor Takacs. Tibor Takacs. Qui c'est qui connaît Tibor Takacs ici? Tibor Takacs, il a commencé, il a fait des films d'horreur. Il a fait La Fissure, entre autres, qui avait été bien populaire. Une production canadienne. Il a fait La Fissure 2 aussi, qui était pas mal moins bon, mais bon. Fait que là, dans les années 90, il a dit, moi, je trippe sur John Woo. Fait que là, je vais essayer de faire ma meilleure imitation de John Woo. Puis vous allez voir quand même, c'est pas si pire. Il y a quand même des scènes d'action qui sont quand même pas si pires dans ce film-là. Fait que, donc, c'est ça. Fait que Lorenzo Lamas avec Tibor Takacs, ça donne une imitation de John Woo. Le scénario est très, très, très, très, très, très, très simpliste et minimaliste, mais c'est prétexte à faire des scènes d'action. La vengeance est quand même assez solide. Est-ce qu'elle est personnelle? personnel. Je voudrais juste rappeler à tout le monde que vous avez une très belle énergie. Puis Lorenzo Lamas, il a le look aussi un peu Jean-Claude Van Damme dans Hard Target, là, c'est là, ouais, avec une belle couette en arrière, là, fait que, puis il monte ses gros bras puis son chest tout le temps, fait que, vous restez, c'est un excellent film, là, pour ceux qui aiment le genre. Fait que c'est pas mal ça. Grenier, virgule P, mesdames, messieurs. Est-ce qu'on commence un bon film? Lorenzo Lamas connaît ça, pas toi. On est là chaque lundi. On est douteux.org, puis tous les Richard Martineau, puis tout. Est-ce que je peux juste rajouter?